الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما زلنا في باب التيمم. Nous poursuivons l'étude du chapitre At-Tayammum, les ablutions sèches. Après avoir cité la définition dans la langue arabe, dans la religion, les preuves du Coran, de la Sunna, le consensus, puis un point important, al-asbab al-mubihatu lit-tayammum, les causes qui permettent aux serviteurs d'avoir recours au tayammum. Wa dhakarna faqd al-ma' khawfa dararin bi-isti'mal al-ma' limaradin yukhsha ziyadatuh aw yukhsha ta'khir shifa'ih. وثالثا لشدة البرد يخشى معه الضرر أو الهلك باستعمال الماء. رابعا لخوف ضرر في بدنه بطلبه. خامسا لعجز عن دفع ثمن الماء. سادسا لخوف ضرر لرفيقه أو حرمته أو ماله. Donc nous avions cité les causes permettant le recours au tayammum. Premièrement, la personne qui n'a pas d'eau. Deuxièmement, la personne qui craint en utilisant l'eau la maladie, ou l'augmentation de sa maladie ou le repoussement de la guérison. Troisièmement, car il fait très froid au point qu'il a peur qu'en utilisant l'eau, soit touché d'un mal ou craigne pour sa vie. Quatrièmement, il craint un mal pour lui en n'allant cherchant l'eau, comme la personne qui a trouvé de l'eau mais cette eau se trouve dans un endroit dangereux, sur une terre où il y a l'insécurité ou la guerre ou des bêtes féroces et ainsi de suite, où la distance est trop lointaine. Cinquièmement, la personne qui n'a pas d'eau a trouvé un endroit où l'on vend de l'eau, mais le prix est trop cher. Le prix est trop cher pour qu'elle puisse l'acheter. Elle n'a pas les moyens d'acheter de l'eau. Et sixièmement, elle a de l'eau, mais elle craint qu'en utilisant cette eau, une nuisance ne touche ceux qui l'accompagnent. Une nuisance touche ceux qui l'accompagnent et sa famille. Ou ces bêtes, comme celui qui voyage et qui a avec lui, par exemple, des vaches. Elles ont besoin de bois. Si lui utilise l'eau pour sa purification, il ne restera pas assez d'eau pour abreuver les bêtes. Ensuite, shurutu tayammum, les conditions de tayammum, an-niyat wal-islam, al-aql wal-tamyiz, ta'adhur isti'mal al-ma. Les conditions de at-tayammum, l'intention, l'islam, la raison, le discernement, l'incapacité d'utiliser l'eau. An yakun al-mutayammam bihi mimma yatasa'ad 'ala wajhi al-ard, que la chose qu'on utilise pour faire at-tayammum soit une chose qui sort de la terre, qui provient de la terre. Sabi'an an yakun al-mutayammam bihi mubahan, septièmement que la chose qu'il utilise pour faire at-tayammum soit licite. Thaminan huitièmement yakun at-tayammum bihi tahiran, que la chose qu'il utilise pour faire at-tayammum soit pure. Si ces conditions sont réunies, la personne peut avoir recours au tayammum. Et nous avons évoqué une question. من وجد ماء لا يكفيه لطهارته ماذا يفعل؟ قلنا الراجح أنه يتوضأ بما عنده ثم يتيمم للباقي Celui qui trouve de l'eau mais pas assez pour faire ses ablutions, que devra-t-il faire? Il a de l'eau, mais ça ne lui suffit pas pour faire entièrement el-wudu. Que devra-t-il faire? il fait ce qu'il peut avec l'eau et à la fin il fait tayammum. À la fin il fait tayammum afin de mettre en pratique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fattakullaha mastata'tum, craignez Allah autant que possible. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma amartukum bih fa'atu minhu mastata'tum, ce que je vous ordonne, faites-en ce que vous pouvez. هذا هو الأحوط, ceci la chose la plus, ou plutôt ceci est la sécurité dans cette question. Naam. Et sachez que certains savants ont dit, il fait tayammum directement. Il fait tayammum directement. Une autre mas'ala sur laquelle nous étions, nous sommes arrêtés. هل التيمم مشروع كذلك في الطهارة المستحبة أم لا؟ Est-ce qu'il nous a été légiféré de faire le tayammum dans la purification surrogatoire également ou non? En d'autres termes, la personne qui est en état d'impureté, elle veut faire une action mais qui ne lui est pas obligatoire. Elle ne veut pas faire une prière obligatoire. Naam. Elle ne veut pas faire at-tawaf. Naam. Est-ce que cette personne, un tawaf wajib, est-ce que cette personne peut avoir recours au tayammum pour se purifier, ou dans ce cas-là, cela ne lui est pas légiféré? Naam. Donc, al-sawab fi hadhihi al-mas'ala annahu mashru'. Donc, l'avis juste dans cette question est de dire que c'est légiféré. La personne peut avoir recours au tayammum même pour une purification, naam, qui est recommandée. Même pour une purification qui est recommandée. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام. Car le prophète صلى الله عليه وسلم a fait التيمم, a déjà fait التيمم pour répondre au salam. Pour répondre au salam. Et Mahkhoudi, il me semble, m'être mal exprimé sur Wajhul Istidlal. Donc lorsque la personne a salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait tayammum avant de lui répondre au salam. Et a dit, inni karihtu an adhkur Allah illa ala tuhr. Inni karihtu an adhkur Allah illa ala tuhrin. Rawa Ahmad wa Abu Daoud wa Nasa'i wa Ibn Majah wa ghayruhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini en disant, j'ai détesté évoquer Allah si ce n'est en état de purification. Si ce n'est en état de purification. Wa ma'loum, qala Sheikh, wa ma'loum anna at-tayammum li radd as-salam laysa wajiban bil ijma'. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit, après avoir utilisé ce hadith comme argument, et c'est connu et nous savons tous que de faire at-tayammum pour répondre au salut, pour répondre au salam, n'est pas obligatoire selon le consensus. Il n'y a pas de divergence sur le fait que ça n'est pas une obligation de faire et tayammum pour répondre au salam. Pour répondre au salam. Quant à raddu salam en soi, ça c'est wajib bil jumla. Naam, ça c'est wajib bil jumla. أيضا التيمم بدل عن الوضوء والبدل يأخذ حكم المبدل منه حكم المبدل منه. Aussi les savants ont dit que التيمم vient ici remplacer l'eau. التيمم vient ici remplacer l'eau. Et ce qui est utilisé pour le remplacer ou bien le remplaçant, naam, prend le jugement et la place de ce qui a été remplacé. Le remplaçant prend le jugement de ce qui a été remplacé. Donc le jugement du tayammum ici sera le jugement de l'wudu. On peut faire at-tayammum pour des choses recommandées ou pour la purification recommandée plutôt. وهذا خلاف أو خلافا لمن قال التيمم لا يشرع هنا لأنه من باب الضرورة، وقالوا الطهارة غير الواجبة، قالوا إن الطهارة غير الواجبة لا ضرورة لها. Ceux qui n'ont pas opté pour cet avis ont dit que tayammum c'est un cas de force majeure. Naam, faire tayammum est un cas de force majeure. Il n'a été légiféré que pour cela. Et la purification surrogatoire n'est pas un cas de force majeure. Donc la personne n'a pas à faire tayammum pour des choses qui ne sont pas obligatoires. Et ils ont dit que dans le Coran, التيمم ما يتستي pour des choses obligatoires. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. Ils ont dit qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran a cité le tayammum pour la tahara obligatoire. Pour la tahara obligatoire. Ces preuves sont fortes. Mais quand il y a un nas, quand il y a un texte clair, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la chose, yani, on est obligé de se rendre à l'évidence que c'est légiféré. Poursuivons. Mas'ala hal yushtaratu al-ghubar lit-tayammum. Une autre question. Est-ce que l'on conditionne la présence de poussière sur la chose qu'on utilise pour faire un tayammum? Est-ce que c'est une condition qu'il y ait de la poussière sur la chose qu'on veut utiliser pour faire un tayammum? Hadhihi mas'alatuna. Al-jawab qala al-shaykh rahimahullah la yushtaratu an yakuna lahu ghubar lima yali. Al-shaykh rahimahullah ta'ala a dit ça n'est pas une condition. Ça n'est pas une condition pour yani, les preuves de cela, ce qui va suivre, l'explication de cela. Et comme je vais vous citer. أولاً لعموم قوله تعالى فتيمموا صعيداً طيباً ولم يذكر الغبار سبحانه. Donc, premièrement, cela est tiré de la généralité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la traduction. Faites un tayammu avec sa'idan tayyiba, avec une chose émanant de la terre et qui est pure. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité la poussière. Naam, il nous a dit de faire un tayammu avec une chose qui sort de la terre et qui est pure. Si la poussière avait été une condition, cela nous aurait été signalé. ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم كان يسافر في الأرض الرملية والتي أصابها مطر ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ترك التيمم. Deuxièmement, le prophète عليه الصلاة والسلام voyageait et par moments il traversait des terres ou bien des régions montagneuses où il y avait que des pierres. Naam. Imaginez une plaine où il y a des galets, par exemple. Wadih. Lorsqu'il pleut, est-ce qu'il reste de la poussière? Oui ou non? Lorsqu'il pleut, et qu'il y a des pierres de ce genre, je ne trouve pas le mot en français, est-ce qu'il reste de la poussière ou non? Il ne reste pas de poussière. Pourtant, il ne nous a pas été rapporté que dans ces situations-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaissait le tayammum. Il ne nous a pas été rapporté que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam traversait des terres où il n'y avait que des pierres, naam, ne gardant pas la poussière après la tombée de la pluie, il ne nous a pas été rapporté dans ces situations-là qu'il délaissait le tayammum. Il ne nous a pas été rapporté qu'il délaissait le tayammum. aussi donc du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lam yada'i at-tayammum fi mithli hadhihi al-ahwal. Donc ajoutons à cela, c'est-à-dire au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas su de lui qu'il délaisse cette tayammum dans ces situations. Il y a le hadith de Ammar radiallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بكفيه الأرض نفخ فيها أو فيهما رواه البخاري. Dans le hadith d'Ammar, lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a fait التيمم, il a tapé avec ses deux paumes, donc de ses mains, la terre. Puis il a soufflé dans ses mains. واضح؟ Donc il a tapé le sol. Puis il a soufflé dans ses mains. Pour faire quoi? Pourquoi est-ce qu'il souffle dans ses mains? Pour enlever la poussière. Hein? Pour enlever la poussière. فَالنَّفْخْ يُزِيلُ الْغُبَى وَأَثَلَ الْغُبَى. Donc lorsque tu souffles dans tes mains, ça enlève la poussière et ماذا le reste de ce qui restait sur tes mains. فَدَلَّ كُلُّ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ الْإِشْتِرَاطِ. Donc tout cela démontre que la présence de poussière, de la poussière n'est pas une condition. C'est-à-dire dans At-Tayam. Le point suivant. فروض التيمم, les obligations dans التيمم. Qu'est-ce qu'on entend ici par فروض التيمم? Quand on parle de purification, qu'est-ce qu'on cite الفرائض ou bien الفروض? Ça signifie quoi? الفروض أركانها, c'est pilier. نعم, فروض التيمم أي أركانها. فروض التيمم أي أركانها. أولا مسح الوجه. Premièrement, passer ses mains sur son visage, essuyer le visage. ثانيا مسح اليدين إلى الكوعين. Deuxièmement, essuyer ses mains jusqu'au poignet. Essuyer ses mains jusqu'au poignet, jusqu'ici. لقوله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. La preuve de cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la traduction. Passez vos mains sur vos visages, ou bien essuyez vos visages et vos mains. Passez vos visages, essuyez vos visages et vos mains. والدليل على أن المسح إلى الكوع قوله سبحانه وتعالى وأيديكم منه واليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف بدليل قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والقطع إنما يكون من مفصل ومفصل أو مفصل الكف. Donc quelle est la preuve que l'on s'arrête au poignet lorsqu'on essuie les mains dans tayammum? Car des fois al-yad peut vouloir dire plus, donc il nous faut une preuve pour dire que l'on s'arrête au poignet. Al-Sheikh rahimahullah ta'ala dit, c'est que lorsqu'on cite le mot la main, c'est yani ça s'arrête au poignet, al-kaf. Al-Kaf, c'est cette partie-là. Vous savez quoi, on met une gifle. D'accord? Donc, du bout des doigts, la paume jusqu'au poignet. Yani la limite, D'accord ? C'est واضح jusqu'ici. D'accord ? Et retenez ce geste, il va être encore plus clair pour le verset qui suit. واضح ? Et la preuve de cela est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle du fait de couper la main de celui qui a volé, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, donc sur la traduction, le voleur et la voleuse, coupez-leur la main. Et lorsque cette sanction a lieu, la main est coupée au poignet. La main est coupée au poignet. Ça prouve que Al-Yad, lorsque c'est cité, c'est jusqu'ici. Car on ne coupe pas, yani, plus que cela. Naam, on ne coupe pas plus que cela. Est-ce que c'est wadah? Est-ce que c'est clair? Wa fi hadith Ammar ibn Yasir radiallahu anhuma, قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا بيديك هكذا ثم ضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ou plutôt wajhahu, si c'est pas ma'touf, muttafaqun alayh. Falam yamsah al-dhira'. Donc dans le hadith de Ammar radiallahu anhu, Ammar est le fils de qui? De Yasir. Et qui est l'épouse de Yasir radiallahu anhum? Une des femmes les plus fermes dans sa religion, que la terre ait portée. Une des femmes qui a enduré pour la ilaha illallah d'une façon que peu d'hommes pourraient supporter. De par la force de son iman et la quwwah de son tawhid. Et c'est ainsi lorsque le tawhid se mélange vraiment dans le qalb. Comme a dit Najashi. Donc comment se nomme sa mère? Assa, donc la mère de Ammar, l'épouse de Yasir, radiallahu anhum. Soumaïa. Naam, Soumaïa. C'est la première martyre de l'islam. Ammar nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il te suffisait de faire comme cela avec tes deux mains. Et il a tapé avec ses deux mains la terre une fois. Puis, ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلْ يَمِينَ. Puis, il a pris sa main gauche et il a essuyé sa main droite. D'accord? Il a essuyé sa main droite. الظاهر, c'est le dos. D'accord? Donc de ses mains et le visage. D'accord? Donc il a fait comme cela, puis comme cela, puis le visage. Ainsi. Voilà. Donc il a essuyé le dos de ses mains, de ses deux mains, et le visage. Il nous a pas pourquoi on utilise ce hadith pour prouver le fait que ça s'arrête ici au poignet, c'est que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas essuyé l'avant-bras, il n'a pas essuyé l'avant-bras. Comment est-ce qu'on appelle cette partie du corps à part les biceps? C'est un nom d'ici à là. Comment? En français, je veux. Barakallah fik. Taïd. Pour des cours, il faut un traducteur, il faut un linguiste, il faut un biologiste. l'obligation suivante, donc la première c'est mashu mada, mashu l'wajh, ensuite al yaday ila al ku'ay, la troisième c'est tartib, la troisième c'est l'ordre, la troisième obligation al tartib wa yabda'a bil wajh qabla al yaday li qawlihi ta'ala famsahu bi wujuhikum wa aydikum fabada bil wajh. La troisième obligation, c'est tartib, c'est l'ordre. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a commencé à citer le wajh, puis il a cité les deux mains, al-yadayn. Donc lorsqu'on fait tayammum, lorsqu'on doit faire tayammum, on passe d'abord les mains sur le visage, puis les mains. Car dans le verset, Allah Azza wa Jalla a commencé par le visage. La quatrième obligation, al-muwala, les hadiths Ammar, radiallahu anhum, wa huwa junub, qala lahu al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, innama kana yakfika an taqula biyadayk, hakadha, wa daraba biyadayhi ila ala al-ardi darbatan wahida, thumma masaha shimalahu ala yamin. وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه. La preuve de al-muwala, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'écart important entre les différents membres visés par l'action, que ce soit fait de manière successive. Dans le hadith de Ammar, alors qu'il est en état de janaba, il a raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il te suffisait de taper avec tes mains la terre, ou bien il lui a dit, il te suffisait de faire ainsi. Puis il a tapé avec ses mains le sol une fois, puis a passé sa main gauche sur sa main droite. Wadhahir. Puis il a passé sa main gauche sur sa main droite. C'est-à-dire ainsi. L'intérieur. D'accord ? Wadhahir. Wadhahir, c'est ça. Wadah. Donc c'est comme si tu te frottais les mains. Puis tu faisais le dos de la main. C'est clair ou pas ? Yani ainsi. Puis ainsi, comme cela. Wadah. Bon, il a frotté l'intérieur et le dos de la main. Wawajin. Et son visage. Al-Shahid al-Hadith. Fi'lu al-tayammumi mutawaliyan. La preuve dans ce hadith de l'Mu'ala, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses actions de manière successive. De manière successive. Le point suivant, mubtilatu tayammum. Mubtilatu at-tayammum. Les annulatives du tayammum. أولا مبطلات الوضوء. Premièrement, les annulatives du wudu. Parmi ceux qui annulent le tayammum, il y a les annulatives de al-wudu. Donc ceux qui annulent le wudu annulent le tayammum. C'est clair ? Ceux qui annulent le wudu annulent le tayammum. مثل ماذا ? Comme quoi par exemple ? نراجع. نعم. Comment? الخارج من السبيلين. Ce qui sort de devant ou derrière. Comment? Non, mais de quelle façon? Les gars, ça entre dans ce qui sort des deux côtés. À moins que tu voulais dire roter. Roter, ça coupe pas le wudu. Non. Faites de dormir. Sommeil profond. Non. Le fait de quitter l'islam, le fait de sortir de l'islam, ana taraji an hada. Moi je reviens sur cet avis. Naam. On avait cité ça dans le cours et c'est l'avis de certains savants. Ana taraji an hada. Pour ma part, je reviens de cet avis. Naam, sur le fait que ça annule al-wudu. Wallahu a'lam. Naam, aklu. Al-Irma, naam, celui qui s'évanouit. Naam. Aklu lahmi al-jazour. Fait de manger du chameau, la viande de chameau. Naam. Le sang en grande quantité. Mad dalil ala hada. Et la preuve de cela. Rien n'annule al-wudu, si ce n'est ce qui est venu avec une preuve. Est-ce que tu as une preuve que ça annule al-wudu al-ma'ul al-urudam al-kathir? Est-ce qu'un livre en dehors du Coran est une preuve ou un imam en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam en soi est une preuve? Si tu me dis oui, on continue à discuter. Si tu me dis non, on arrête la discussion. Donc, ma indaka dalil. Qui a une preuve pour ce qu'il a dit? Qui est d'accord avec ce qu'il a dit? Tu es d'accord? C'est quoi ta preuve? Ahlus sunna la yaqbaluna illa bi dalil. Tafaddal. Bonjour, un sahaba ici dans la caisse. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à faire tayammum. Le sahaba, il a mis de l'eau dans la caisse. Ça, c'est la preuve de quoi? C'était quoi la question? Non. La question était quelle est la preuve de ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il a dit de perdre du sang en grande quantité annule le wudu. Donc en quoi ce texte est une preuve pour ce qu'il a dit? Car la preuve ne m'apparaît pas. M'explique-moi. Ou tu n'avais pas bien entendu la question peut-être. D'accord. Donc, il y a une preuve. Qui est d'accord? Vous n'êtes pas d'accord parce que vous n'avez pas de preuve ou vous ne voulez pas répondre? Taïe, pour dire ça, il faut un dalil. Naam, pour dire ça, il faut un dalil. Les savants disent que ça ne coupe pas l'autre. Naam. Le sahab a prié avec des blessures. Omar ibn al-Khattab, son sang coulait. Lorsqu'il s'est fait poignarder. Au point où lorsqu'il buvait, ça sortait. Radiallahu anhu, subhanallah. Taïb. Donc, min mubtilatil at-tayammum mubtilatul wudu. Parmi les choses qui annulent at-tayammum, tout ce qui annule al-wudu. Tout ce qui annule al-wudu. Fa kullu ma yufsidu al-wudu yufsidu at-tayammum. Thaniyan wujudul ma. Deuxièmement, la présence de l'eau. Deuxièmement, la présence de l'eau. Wal na'am. Pour celui qui a eu recours au tayammum parce qu'il n'y avait pas d'eau. C'est clair? Pour celui qui a eu recours à et tayammum car il ne possédait pas d'eau. Donc celui qui a fait tayammum car le souci était qu'il ne possédait pas d'eau, qu'il n'avait pas accès à l'eau. À partir du moment où il a de l'eau, il a accès à l'eau, son tayammum est annulé. Son tayammum est annulé. Al-Sheikh Yazid wa yakul walaw fi salat. Al-Sheikh lui dit, rahimahullahu ta'ala, même s'il est dans la prière à ce moment, ça annule son tayammum. Même s'il est en train de salir. Donc qu'est-ce qui se passe? Il perd le tayammum. Qu'est-ce qu'il devra faire à ce moment? il sort de la salat, yatawadda bilma, et il fait salat. Wadah? Quelle est la preuve de cela? Allah subhanahu wa ta'ala dit, falam tajidu ma'an, wa hada qad wajad. Qu'Allah azza wa jal dit, donc sur la traduction, et vous ne trouvez pas d'eau, fatayammamu. Falam tajidu ma'an, fatayammamu. Wa hada qad wajad al-ma. Donc Allah azza wa jal nous dit, vous ne trouvez pas d'eau, alors faites at-tayammum. Mais cette personne-là n'est plus dans cette situation. Elle a trouvé de l'eau. Fabatula, ou fabatal al-hukm. Donc son jugement a été annulé par la présence d'eau. طيب سؤال آخر لو جاء الماء بعد التسليم لو جاء الماء بعد التسليم بعد انتهائه من صلاته ماذا يفعل؟ Une autre question, si cette personne a de l'eau qui est venue après sa prière, donc il a fait salat avec le tayammum car il n'avait pas d'eau. Par la suite, l'eau arrive. Qu'est-ce qu'il devra faire? Le frère dit, certains savants ont dit, s'il reste encore du temps, il fait le wudu et il refait la salat. Yu'id salata? Ou anta taqul mithlahum? Anta tanqul. Ou ana mithluk. Idan yu'id salata. Donc il dit, certains savants ont dit que s'il reste du temps, il fait le wudu et il recommence sa salat. Si je lui dis, toi tu dis quoi? Tu dis comme eux? Il a esquivé ma question. Je lui dis, moi je fais pas. Et je lui dis, donc tu fais que transmettre. Je lui dis, moi je fais comme toi. Choisis la sécurité. Naam. Répète plus fort. Il ne refait pas la prière. Vous êtes d'accord avec qui? Avec le jeune ou avec le plus âgé? Inch'Allah. Notre oncle dit, il a fait la salat avec un tayammum, mais c'est une chose légiférée. Du fait qu'il a fait une chose légiférée, c'est bon, il peut disposer. Donc vous mettez de quel côté? Ma Adam ou ma Sheikh? Ou avec les deux, c'est possible? Vous mettez avec le jeune? Ou avec le plus vieux? Hein? J'allais parler d'origine, mais en temps de trouble, faut pas trop faire ça. Naam. T'es d'accord avec Adam? Tu vas avoir des problèmes avec les soninkés. Aïwa. D'accord. Donc là, vous êtes 3 contre 1. Ils sont pas d'accord avec toi, hein? Les 3. Tu restes sur ton avis encore ou? C'est leur droit. Non. Chez nous, on n'avait pas le droit de pas être d'accord avec notre père. Ce droit-là, on ne le connaissait pas. Non. Qui est pas d'accord avec les 3? طيب الصواب ما قالوا نعم الصواب الراجح ما ذكرتم. Donc l'avis prépondérant est celui que vous avez cité. Si l'eau vient alors qu'il a fini la salat, lorsqu'il a fait tayammum, il rentrait dans les conditions. نعم، فهذه الصلاة تجزئه. نعم، donc il a rempli son obligation. Il n'est donc pas dans l'obligation de la recommencer. Est-ce que lui, il rentre dans le verset فَلَمْ تَجِدُ مَاءً le temps de sa salat, il rentrait dedans ou pas? Oui, il n'avait pas d'eau. Donc il rentrait dans la condition de celui qui peut faire التَيَمُّمْ et salli. Après التَسْلِيم, donc après sa salat, l'eau est revenue. Mais lui, il a fait un amr shari'i. Lui, il a agi d'une manière légiférée. Et la personne qui fait la chose de manière légiférée, elle est à la amr nabi sallallahu alayhi wa sallam. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu wa warad. Man amila amalan laysa ala amruna fa warad. Wa hadha min amri nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait une action qui n'est pas en conformité avec notre ordre sera rejeté. Son action était en conformité avec notre ordre, donc elle est acceptée. Donc elle est acceptée, c'est-à-dire valable. إذن لا يعيدها ولو في الوقت. Donc il n'a pas à la recommencer même si il lui reste du temps, même s'il est encore dans le temps. لأنه تطهر بطهارة شرعية. L'explication est qu'il a fait une purification légiférée. Il a fait une purification légiférée. فلا دليل على إعادتها. Il n'a donc pas de preuve pour dire qu'il doit la recommencer. Il n'y a donc pas de preuve pour dire qu'il doit la recommencer. Quant à, il y en a celui qui dirait, pourquoi est-ce que vous dites que s'il est dans la salat, il perd le tayammu et il doit sortir, faire le wudu et refaire salat? Et pour celui qui a fini salat, vous ne lui dites pas recommencer alors qu'il y a l'eau, il n'y a pas de différence. On lui répond, قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, التيمم te suffit, même 10 ans. Mais si tu trouves de l'eau, alors utilise l'eau. Celui qui est en salat et qui trouve de l'eau, donc l'eau revient, à ce moment-là, il est concerné par ce hadith. Il est concerné par ce hadith. D'accord? Donc il doit faire al-wudu. Quelqu'un pourrait se dire, comment est-ce qu'il va savoir qu'il y a de l'eau alors qu'il est en train de faire salat? Plusieurs sites dans plusieurs cas, on peut être dans cette situation. Naam, tu envoies, par exemple, tu as envoyé quelqu'un en voiture et c'était loin, aller chercher d'eau. Voyez, aller chercher d'eau. Mais toi, tu n'avais pas d'eau. Tu fais tayammum. D'accord? Si la personne revient, tu auras de l'eau. Si elle ne revient pas, tu n'auras pas d'eau. Puis il entend la personne rentrer. Et il est en salat. Et il lui parle, par exemple. Il lui dit, j'ai d'eau. Ça, c'est une situation. Il n'y avait plus d'eau dans la ville, parce que c'est des réservoirs et Annie, lorsqu'il n'y en a plus, on attend la prochaine livraison. Et il entend la livraison. Pour celui qui a vécu en dehors des villes. Aussi, وَلِأَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ عَنْ طَهَارَةِ الْمَاءِ عِنْدَ فَقْدِهِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءِ زَالَتِ الْبَدَلِيَّةِ وَيَتَوَضَّعُ وَيَسْتَأْنِثُ فِي الصَّلَةِ. Aussi car l'eau, ou plutôt التَيَمُّم, a été pris pour remplacer ici l'eau. Et la chose qu'on utilise, à la place de l'eau, si l'eau revient, perd son rôle. Na'am, perd son rôle. Il doit donc faire le wudu et faire الصلاه. Rappelez-moi de détailler un peu plus sur celui qui perd le wudu avec ar-ridda. C'était C'est la combienième cause? C'est combien de causes qui font perdre le tayammum? Deux causes. La première, c'est quoi? Mubtilatul wudu. La deuxième, c'est quoi? Wujudul ma. La troisième, izalatul mubih. La disparition de ce qui lui permettait de faire le tayammum. Na'am, la disparition de ce qui lui permettait de faire le tayammum. Ce que nous avons cité dans le cours de mercredi soir. Parmi les causes, الأسباب المبيحة المرض. نعم بعض الأمراض. فإذا شفي من مرضه زال التيمم. Donc la personne qui faisait le tayammum car elle était malade, si sa maladie disparaît, si Allah Azza wa Jalla le guérit de sa maladie, à ce moment-là il ne peut plus faire le tayammum. Il ne peut plus faire le tayammum. Donc si la cause disparaît, il n'a plus le tayammum. Une mas'ala intéressante. هل الأفضل التيمم في أول الوقت أو في آخره؟ Quelle est la meilleure chose à faire pour celui qui n'a pas d'eau? Faire le tayammum au début de l'heure et il prie, ou bien il attend vers la fin de l'heure pour faire le tayammum et prier? Comme celui qui espère en fait trouver de l'eau, avoir de l'eau, il attend la dernière yani solution. Vous avez compris la situation? Soit il fait tayammum directement, j'ai pas d'eau, j'ai cherché, kada, kada, je fais tayammum, je prie. Soit j'attends une heure, deux heures, et vers la fin du temps seulement, je fais tayammum. Est-ce qu'il y a une réponse? Non. Ante. Comment? C'est-à-dire il fait tayammum au début du temps? Oui. Pourquoi? C'est pas mieux de patienter et d'essayer de et d'espérer trouver de l'eau pour faire la salat avec de l'eau? S'il n'a pas d'eau, il a la permission de faire salat avec le tayammum. Sachant qu'on ne parle pas de permission, on parle du meilleur à faire. Qui a un autre avis? Hein? Dalil. Cheikh a dit, c'est quoi ton dalil? Dès que l'heure de la salat entre, il a accompli la salat. Qu'est-ce que tu penses de son dalil? عيد بن مسعود رضي الله عنه أي عمل أفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في وقتها. من أخرجه؟ من أخرج هذا الحديث؟ أين هذا الحديث؟ في البخاري. في أي كتاب؟ في أي باب؟ نسيت. أيوة. لعل في كتاب الآداب في الصفحة الأولى والثانية، لأن البخاري رحمه الله تعالى في الآداب ذكر ما يتعلق ببر الوالدين. واضح؟ كأن من لم يبر والديه ليس له أدب. سبحان الله، هذه لطيفة. دونك حديث رواه الإمام البخاري. Quelle est, Abdullah ibn Saoud a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle action qu'Allah aime le plus? Il lui a répondu, la prière en son temps. La prière en son temps. Naam. Tayyib. Pour répondre les hadith mas'ala ahwal, il y a plusieurs situations en fait. Il y a plusieurs situations. La première, idha alima bi wujud al ma aw tarajjaha indahu wujud al ma. Ay qabla khuruj al waqt. Na'am, qabla khuruj al waqt. فيترجح تأخير الصلاة. Le premier cas, c'est celui qui sait qu'il aura plus tard de l'eau. Celui qui sait qu'il aura plus tard de l'eau. Ou il pense qu'il aura de l'eau. D'accord? C'est plus que penser, mais je n'ai pas de mot qui me revient. C'est ni la certitude, c'est entre les deux. Naam. Entre 50 et 80, on va dire. Dans son cas, le mieux, c'est de retarder. Dans son cas, le mieux, c'est de retarder. Donc lui, il pense qu'il aura de l'eau avant la fin du temps de la prière, avant la sortie de l'heure de la salat. Ou il est presque sûr. Il n'a pas la certitude, mais il estime et pense vraiment qu'il aura d'eux. Dans son cas, le mieux, c'est de repousser l'heure de la prière, sans la faire sortir, bien sûr. Voilà qu'il l'ait sa biwajib, mais ce n'est pas obligatoire. Le mieux pour lui, c'est d'attendre, de repousser la prière pour pouvoir utiliser l'eau. Mais ça n'est pas une obligation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça n'est pas une obligation? Ça veut dire qu'il peut avoir recours au tayammum directement sans attendre. Il a cherché de l'eau, il n'a pas d'eau, il peut faire le tayammum et faire salat au début du temps. Mais le mieux dans son cas, vu qu'il pense ou bien qu'il sait qu'il aura de l'eau, le mieux c'est d'attendre et de faire sa purification avec de l'eau. Wa yajuzu lahu an yatayammama wa yusalli fi awwal al-waqt. قالوا هذا لأن بذلك محافظة على شرط من شروط الصلاة وهو الوضوء. Pourquoi est-ce que les savants disent cela? Car en faisant cela, ils préservent une des conditions de la prière, des plus importantes, qui est al-wudu. Al-wudu. فيترجحوا هذا على فعل الوضوء في أول الوقت أو فعل التيمم. Donc, dans ce cas-là, on lui dira, c'est mieux d'attendre et de faire le wudu avec de l'eau. Ça passe avant que de faire la prière au début du temps avec le tayammum. C'est compris? Car en faisant cela, il aura préservé cette condition, le wudu. C'est compris? On est entre deux bonnes choses. Prier au début du temps et prier avec la purification de l'eau. C'est quoi qui prévaut? C'est quoi le mieux? Qu'est-ce qui passe avant? C'est la purification avec l'eau. C'est la purification avec l'eau. Voilà. Ça, c'est la première situation. La deuxième, donc on dit cela car prier au début du temps, c'est une fadila, c'est pas un wajib. Car prier au début de l'heure, c'est un bien. D'accord? C'est mieux. Ça n'est pas obligatoire. Deuxièmement, idha alima bi adami wujud al-ma aw tarajjah hadhal aw lam yatarajjah indahu shay. Lam yatarajjah indahu shay, bal shak. Fayatarajjah حينئذ تقديم الصلاة في أول الوقت. Le deuxième cas, c'est qu'il sait qu'il n'aura pas d'eau, ou pense qu'il n'aura pas d'eau, ou ne sait pas, il est dans le doute, il ne sait pas s'il aura de l'eau ou n'aura pas d'eau, 50-50. Dans ce cas-là, le mieux pour lui, c'est de prier au début de l'heure, avec un tayammum direct. Est-ce que c'est wadih? C'est clair ou pas? Et la remarque, on la cite et on la refait. لا يتعين تأخير الصلاة إذا علم بوجود الماء إذا علم بوجود الماء قبل خروج الوقت. Ça n'est pas une obligation d'attendre et de prier, ou bien ça n'est pas une obligation de délaisser le tayammum pour prier avec la purification de l'eau si on sait que plus tard il y aura de l'eau. Si on sait que plus tard il y aura de l'eau, la personne peut faire tayammum. À partir du moment où elle entre dans les conditions, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'eau. Elle n'a pas l'obligation d'attendre la fin du yani deux heures que l'eau vienne pour faire al-wudu. Pour faire al-wudu. Le cheikh a insisté sur ce. Bal wa afdal. Mais c'est le mieux à faire. Pourquoi cela ? لما يلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. Le prophète صلى الله عليه وسلم. Donc pourquoi les savants disent que ça n'est pas une obligation d'attendre et qu'il peut faire tayammum directement? Car le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, sa parole est générale, toute personne qui attend la prière et qui n'a pas d'eau, d'accord, a la terre comme purification. Donc qu'il fasse la prière. Qu'il fasse la prière. D'accord ? La terre, c'est un lieu où tu peux prier. Et c'est un lieu par le, par, sur quoi tu peux. C'est une chose sur laquelle tu peux te purifier. Tu peux te purifier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si la prière vient, purifie-toi et prie. Ça c'est général. Ça c'est général. Aussi, les savants ont dit, ilmuhu bi wujud al-ma fi akhir al-waqt laysa amran mutaakkadan aw muakkadan. Le fait de dire j'attends car je sais qu'il y aura de l'eau, ça c'est ce qu'il pense lui. D'accord ? Lakin hadha al-amr qad yatakhallaf. Mais il se peut que ça ne se passe pas ainsi. Il se peut que il n'y ait plus d'eau. Et il se peut que la personne revienne après la sortie de l'heure, et ainsi de suite. وَكُلَّمَا كَانَ الظَّنُ أَقْوَى كَانَ التَّأْخِيرُ أَوْلَى. Mais plus la personne a la certitude sur la présence de l'eau plus tard, plus il lui est recommandé de retarder sa salat pour pouvoir avoir accès à la purification avec l'eau. Donc vous avez compris comment évaluer la situation. Vous avez compris comment évaluer la situation. On regarde, est-ce que nous sommes sûrs ou pas, plus ou moins sûrs ou pas, d'avoir de l'eau. Si oui, le mieux c'est de retarder. Dans le cas contraire, le mieux c'est de prier avec tayammum au début du temps. Une autre mas'ala, et le shir la met en tanbih, en remarque, important. Tanbih un muhim. Idha dar al-amray, bayna yudrika الجماعة في أول الوقت بالتيمم أو أن يتطهر بالماء في آخر الوقت وتفوته الجماعة. Là, il est dans une situation où soit il fait tayammum au début du temps pour prier avec le, pour pouvoir prier avec le groupe, soit il retarde, il attend l'eau pour pouvoir faire la purification avec l'eau et prier par la suite. Donc il perd al-jama'a. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il devra faire? Vous avez compris la tasawwartum al-mas'ala? Vous visualisez la mas'ala? On arrive au Bahr, d'accord? On arrive au, ou bien on va arriver au Maghrib, et il n'y a pas d'eau dans la ville. Il n'y a pas d'essence dans les voitures, ni de gasoil. Non. L'eau est loin. Et le Maghrib arrive. Et on fait l'Iqama. Il va y avoir l'Iqama. S'il attend, il perd la prière en groupe. Est-ce qu'il fait tayammum pour avoir la prière en groupe? Ou bien il attend et l'eau va arriver. Il attend car l'eau va arriver. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il devra faire? Ou qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Au mal. Naam. Il fait tayammum et il prie avec le groupe. Qui dit autre chose? Naam. Il fait tayammum et il prie avec le groupe. Et lorsque l'eau revient, lorsque l'eau arrive, il fait al-wudu, il refait la salat. Tu m'as dit ça car tu es arrivé en retard. Sinon, tu n'aurais pas dit cela. De par le sérieux que je te connais. Wafakakallah. Donc, Huna, donc c'est quoi le jugement de ça? Vous avez dit, il fait tayammum et prêt avec le groupe. C'est mieux ou bien c'est quoi le jugement? Prier en groupe, c'est une obligation. Et d'attendre l'eau pour faire al-wudu, c'est recommandé. L'obligation passe avant la recommandation. Pas mal. Donc, vous voulez dormir? Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Mais tayammum. Ma yantadhiru al-ma. Ma yantadhiru al-ma. Al-ma sayati. Idhan. Yuqaddim al-jama'a aw al-ma. Al-jama'a. Tayyib. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى هنا يجب عليه تقديم الصلاة لأن الجماعة واجبة ابن عثيمين رحمه الله تعالى après avoir cité la masala et des fois c'est mieux, des fois c'est mieux et dans ce cas là c'est mieux, par contre ici il dit pas c'est mieux, il dit dans ce cas là il a l'obligation de prier au début de l'heure avec le groupe, parce que là on parle de jama'a, de prier en groupe, et de prier en groupe c'est obligatoire Naam. Allah Azza wa Jalla dit warki'a ma raki'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai pensé ordonner à quelqu'un de présider la prière ou de faire l'appel à la prière, puis d'aller brûler la maison de ceux qui délaissaient la prière en gros. Donc, à ce moment-là, ça passe avant le fait d'attendre l'eau. تقديم الوقت هنا يتعين لأن الجماعة واجبة. Après tout cela, une question qu'on doit tous se poser. سمعنا عن التيمم وعن فروض التيمم وعن أسباب المبيحة للتيمم. فما هو التيمم؟ كيف نتيمم؟ Donc après avoir entendu tout cela, une question qu'on peut tous se poser. Après avoir entendu parler des causes qui permettent de faire un tayammum, quand est-ce qu'on peut faire un tayammum, qu'est-ce qui annule le tayammum, les obligations dans tayammum, les conditions ainsi de suite, comment est-ce qu'on fait tayammum concrètement? Après t'avoir supporté tout ce temps-là, vas-tu nous montrer comment est-ce qu'on fait un tayammum ou pas? Mais l'élève est trop bien éduqué pour parler ainsi. Moi je résume. Sifatut tayammum. Le point suivant, sifatut tayammum, et c'est le dernier point. Awalan yanwi. Premièrement, il met l'intention. Quelle est la preuve de cela? Le hadith que vous mémorisez tous. Celui qui ne mémorise pas, il l'apprend pour la prochaine fois. Le hadith de Omar ibn Khattab, dans le recueil de l'imam al-Bukhari, dans le recueil de l'imam Muslim. Qala sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actions ne valent que par les intentions. Jusqu'à la fin du hadith. Deuxièmement, yusammi. Il dit bismillah. Donc il met l'intention de faire tayammum, cette adoration. Deuxièmement, il dit bismillah. Troisièmement, il tape avec ses mains, donc les paumes, tape avec ses mains, ses deux mains en même temps, al-ard, la terre, une fois. Plus sur le nombre, est-ce qu'on fait deux fois ou pas? Dans d'autres niveaux, inshallah ta'ala, on détaillera plus. Inshallah ta'ala. Donc il tape de ses deux mains la terre une fois. Les hadiths Ammar, les hadiths Ammar radiallahu anhu, وفيه إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا. La preuve de cela, c'est quoi? C'est le hadith de Ammar, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il te suffisait de taper avec tes deux mains ainsi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme cela. Avec ses deux mains, il a fait ça. Il a tapé sur le sol. Donc, à tayammum, tu le fais comme ça. Tu tapes. Wa darb, fi darb. Le fait qu'on ait dit, il tape, ça veut dire que on ne fait pas que poser, que toucher. Il faut qu'il y ait une pression. Na'am. Parce que c'est le sens de ad-darb. C'est le sens de ad-darb. Taper de ses mains. Donc ce n'est pas essuyer, ce n'est pas poser, toucher. Il faut qu'il y ait un minimum de pression. Donc tu tapes ainsi. D'accord? On ne te dit pas de te casser la main ou te faire mal à la main. Tu tapes comme ça. C'est clair? Tu tapes comme ça. Avec tes deux mains. Une fois. Rabi'an, quatrièmement, yamsahu bihima. Donc il passe ses deux mains, la paume, les paumes. وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْكُوعَيْنِ. Donc quatrièmement et dernièrement, il passe ses deux mains sur son visage, comme cela. D'accord? Et sur ses deux mains, comme ça. D'accord? Donc sur son visage et sur ses deux mains. Sur son visage et sur ses deux mains. C'est ainsi que tu fais, tout simplement, tout très facilement, donc tu mets l'intention de faire at-tayammum, tu dis bismillah, tu tapes avec tes mains la chose que tu vas utiliser pour faire at-tayammum une fois, puis tu passes sur ton visage et ensuite tes mains, le dos et l'intérieur. Et tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes au poignet. C'est ainsi que tu prends la purification et tu ôtes de toi l'état d'impureté. Inch'Allah ta'ala, dans une semaine, donc le vendredi prochain, on entrera dans un nouveau chapitre, Izalatun Najasat. Dit comment, ou plutôt le chapitre, Mada. Comment faire disparaître les impuretés? D'accord? Si c'est de l'urine, si c'est autre chose, comment est-ce qu'on purifie la chose ou le vêtement? Et d'autres questions, inshallah ta'ala, dont nous avons besoin. Concernant al-naqid للوضوء الذي يقول بأن الردة يبطل الوضوء. Donc concernant la native qui dit que celui qui apostasie والعياذ بالله perd le wudu, car le shirk ou le kufr annule toutes les actions. D'accord? Il y a une divergence sur ce point. Il y a une divergence sur ce point. Et à travers les textes du Coran et de la Sunna, puis les qawa'id, les règles de la science, de la base de la jurisprudence, ou sous le fiqh, des savants se sont, et ils sont arrivés au résultat que celui dont les actions sont annulées, ce n'est pas la personne qui est tombée, yani toutes les actions sont annulées, ce n'est pas la personne qui est tombée dans le shirk ou le kufr. Virgule, ça on le garde dans l'audio. Pour celui qui voudrait utiliser la première partie et dire, il dit que le shirk kada wa kada, on a une époque où on est obligé de faire attention et d'enregistrer. Mais c'est le cas étant lorsque la personne meurt sur le shirk et le kufr. Mafhoum? Donc on conditionne pour l'annulation de l'ensemble des actions du mushrik alladhi waqa'a fi shirk an yamuta ali. An yamuta ali. Amma man tab fala naqul qad batala jami' a'mali. Quant à celui qui se repent, donc qui ne meurt pas sur le kufr, on ne dit pas que toutes ses actions sont perdues et sont annulées. Ça c'est valable pour celui qui meurt dessus. Ça c'est valable pour celui qui meurt dessus. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran qayyada dhalika bidhak. Car Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié la première chose par la deuxième. Yani on a conditionné la mort sur le kufr. Et quand on cite une chose de manière absolue, puis une chose spécifiée, ou yani pas de manière absolue, yani le mutlaq ou le muqayyad, ben le muqayyad, yani on retient cela, c'est ça qu'on va retenir. C'est ça qu'on va retenir. Si je te dis une première fois, celui qui tombe dans le shirk, toutes ses actions sont annulées. Puis je te dis une seconde fois, celui qui tombe dans le shirk et qui meurt sur le shirk, ses actions sont annulées. Vous voyez ce mot-là, qui meurt sur le shirk, ça va spécifier la première parole. Est-ce que c'est wadah? Ça va spécifier la première parole. Donc on ne dira pas que celui qui tombe dans le shirk perd toutes ses actions, mais on dira celui qui tombe dans le shirk et qui meurt sur cela, toutes ses actions seront annulées. Ainsi, celui qui tombe dans le shirk après avoir fait le wudu, bien sûr le shirk akbar, ayadhan billah, puis qui fait tawbah et qui n'est pas tombé, quelqu'un pourrait dire, c'est quoi la faïda de cette question? C'est que celui qui yatoub, celui qui se repent et tombe dans le shirk akbar, il avait fait le wudu, il tombe dans le shirk akbar, puis il se repent et il n'est pas tombé dans un annulatif de le wudu, si ce n'est qu'il est sorti de l'islam. Non? Et il fait salat. Est-ce que sa salat est bonne ou pas? Il fait le tawbah, il vient au masjid, les gens sont en train de prier. Il rentre dans la salat ou il va refaire le wudu? Vous avez compris la... Yani, dans quoi ça pourrait nous servir, ce khilaf? C'est clair ou c'est pas clair? En d'autres termes, s'il revient dans un temps proche, d'accord? À ce moment-là, est-ce qu'il a toujours le wudu ou pas? C'est ça la masala. Si on prend l'avis que il perd toutes ses actions que s'il meurt dessus, on dit qu'il a toujours le wudu. S'il n'est pas tombé dans autre chose qui annule le wudu, s'il n'a pas fait autre chose qui annule le wudu. Et si on dit qu'il perd toutes ses actions en tombant dans le kufr ou dans le shirk directement, à ce moment-là, on dit que même son wudu, vu que c'est une action, il l'a perdu. هذا هو. Donc on ne corrige pas le wudu vu que c'est madha. J'ai dit on ne corrige pas quoi? Le wudu, c'est une faute. On ne corrige pas l'audio, voyez, vu que c'est un avis, mais on va, yani si on retrouve on enlèvera. Si on retrouve on enlèvera. Pour le cours du jeudi, Amel avait été envoyé sur le site pour corriger une chose que j'avais dite. Est-ce que j'avais corrigé quelque chose? Naam. Je n'ai plus le souvenir du point, mais c'est naam. Il me semble l'avoir fait. C'était sur le fait de dormir sur le côté droit, le côté gauche est le mieux. J'avais cité ça? D'accord, alhamdulillah. Je veux corriger quelque chose encore? Même dans le français. Tafadhal. Anta, t'as quelque chose à corriger? Dis, tafadhal. Vous cherchez pour la semaine prochaine, vous cherchez et vous me citez les points, les fautes. D'accord? Pour la semaine prochaine, vous notez sur une feuille toutes les fautes que j'aurais pu faire dans le dars et vous me faites parvenir. Ça, inshallah ta'ala, la'allallah yuwaffiqani ila at-taraju'a qabla al-mamat, en espérant qu'Allah Azza wa Jalla me facilite à accepter vos conseils et me corriger avant de mourir. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأستودعكم الله. Donc il n'y aura pas cours jusqu'à vendredi prochain. D'accord. Il n'y aura pas cours jusqu'à vendredi prochain car je voyage à l'étranger pour quelques jours. Et je serai de retour. Ma'ada, je serai de retour pour la khutbah, inshallah. Et c'est pareil pour Sadaq. Il n'y aura pas cours, mais pour lui, pour Yanni jusqu'à la fin du mois. Avec Sadaq, il n'y aura pas cours jusqu'à la fin du mois. Si je me souviens bien, jusqu'au 28. Jazakumullah khairan.